Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Élisabeth Ière, la reine vierge. C'est sous Élisabeth Ière que l'Angleterre sent s'éveiller sa vocation maritime et du même coup son esprit impérialiste. Une aspiration vers les riches pays d'outre-mer, vers ces terres du Nouveau Monde qui enfièvrent l'imagination et les convoitises des commerçants et des marins anglais, les pousse à disputer à l'Espagne l'exploitation de ces colonies lointaines. Le pays connaît alors une prospérité économique remarquable, marquée par l'essor démographique, par l'afflux des métaux précieux, par la hausse des prix, par le développement du capitalisme. C'est la voie ouverte, toute grande, à l'ère du mercantilisme contemporain. Prospère et impériale, l'Angleterre d'Élisabeth Ière, nous dit cet extrait de l'émission L'International des Rois, diffusée en 1982. Cultivée également, cette Angleterre d'Élisabeth Ière, qui, après tout, sera l'Angleterre de Shakespeare, l'Angleterre du théâtre élisabétain. Mais qui est donc celle qu'on surnommera la Reine Vierge? Pour nous raconter l'histoire d'Élisabeth Ière, Véronique Borbouin, professeure à l'École supérieure de théâtre à l'Université du Québec à Montréal. Véronique, vous êtes une passionnée d'Élisabeth Ière. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fascine tant chez cette femme? Effectivement, mais d'abord, je suis une femme de théâtre, donc c'est sûr que l'époque élisabéthaine, l'époque de Shakespeare, c'est une époque merveilleuse. J'ai eu un professeur d'Angleterre qui habitait le village de Shakespeare, comme par hasard, Stratford-upon-Avon, et donc c'était mon professeur de costume. C'était vraiment important pour moi, et puis tout d'un coup, j'ai lu les lettres aussi qu'Élisabeth écrivait à l'époque, souvent en français, parfois en italien, des fois en anglais. Et en fait, c'est un monarque exceptionnel. Jamais un pays a eu un monarque comme ça, qui a régné extrêmement longtemps, 40 ans. Et c'est une femme, alors que dans d'autres pays, les femmes n'avaient pas le droit de régner. Et en plus, il y a une modernité en elle qui fascine. Et c'est en même temps une femme multiple. Oui. Donc, elle a beaucoup de facettes et ça, c'est super. Une sacrée histoire à raconter, c'est ce qu'on va faire dans cette émission. Vous le disiez, donc, un long règne et c'est vraiment une reine d'exception. On l'entendait au tout début de l'émission, une Angleterre qui, à l'époque d'Élisabeth Ière, est une Angleterre impériale, prospère, la grande Angleterre. Oui, c'est disons qu'elle va aussi contribuer pour beaucoup à l'expansion de l'Angleterre, on le verra avec quand elle va faire ses bagarres contre l'Espagne, mais aussi elle va amener une période de prospérité. Mm-hmm. Donc quand il n'y a pas de guerre, ça coûte aussi moins cher. Donc mm-hmm. Les marchands vont être très très très contents. Bon. C'est aussi une période où elle va permettre à des marins et à des gens ordinaires qui ne sont pas de la noblesse d'acquérir des titres de noblesse, tout simplement parce que c'est des gens efficaces. Et elle a une histoire, remontons à ses origines, parce que vraiment, oui, ce n'est pas banal, fille d'Henri VIII, oui, et d'Anne Boleyn. Oui, alors Henri VIII, c'est le roi aussi femme, bien connu, dont plusieurs ont eu la tête coupée quand ça ne lui plaisait pas. Alors, dont Anne Boleyn. Alors sa première femme, Catherine d'Aragon, est une Espagnole, c'était de toute façon la femme de son frère. Alors, elle était vieille, elle ne lui a pas donné d'enfant mâle, et ça c'était extrêmement important pour Henri VIII. Et il a déjà l'œil sur une deuxième femme, il l'épouse, mais elle ne voulait pas rentrer dans son lit avant d'être reine. Mm-hmm. Donc c'était un peu ça le problème. Sauf que le pape veut rien savoir de lui donner le divorce de sa première femme. Il attend quand même assez longtemps et au bout d'un moment, il dit « Ben tant pis, c'est moi qui deviens le chef de l'Église suprême d'Angleterre, d'où la religion anglicane. » Au fond, l'Angleterre devient anglicane à cause d'une histoire de coucherie, tout simplement. Donc, il épouse Anne Boleyn. Elle lui donne Élisabeth. Il prend le deuil quand elle accouche d'une fille parce qu'il voulait un fils, évidemment. Hein, c'est assez macho comme à l'époque. Et s'il avait su qu'elle allait devenir un monarque aussi important. Et finalement, elle lui donne pas de fils. Et puis, il veut s'en débarrasser. Il a déjà l'œil sur une autre femme. Alors, il trouve des excuses comme quoi elle aurait peut-être flirté avec de ses amis et il lui fait couper la tête. Donc, ça commence un peu difficile pour la pauvre Élisabeth. Elle a 2 ans et demi quand sa mère se fait couper la tête par son papa. Et quel genre d'enfance dans ces circonstances aura-t-elle, Élisabeth? Alors, en fait, elle va être déclarée bâtarde vu que peut-être sa mère aurait couché avec d'autres. Non, c'est totalement faux, nous le savons. Mais elle va être mise à l'écart. tard, elle va avoir une enfance recluse et elle va en profiter pour avoir une éducation assez exceptionnelle pour l'époque, particulièrement pour une femme. Elle va avoir des très bons précepteurs et puis elle va donc étudier la philosophie, les langues. Elle était polyglotte, hein. Elle parlait couramment le français, l'italien, l'espagnol, l'anglais évidemment, mais aussi le latin, le grec, mais assez pour pouvoir parler couramment en latin et apostropher les ministres qui parlaient mal ou qui faisaient des fautes de latin. Alors, elle a eu une excellente éducation. Elle a été assez recluse aussi pour réfléchir. Elle a eu le temps de réfléchir et d'avoir eu peur, parce qu'elle a eu peur pour sa vie à plusieurs reprises, comme elle était bâtarde, beaucoup de gens. Il y avait des luttes de pouvoir qui la mettaient au centre de tout ça. Donc, lorsqu'elle parvient au trône, elle a eu le temps de réfléchir. To the north, I present unto you Elizabeth, your undoubted queen. To the south, I present to you Elizabeth, your undoubted queen. I crown thee, Elizabeth, queen of England, Ireland, and France. Extrait du film Élisabeth du réalisateur Shekhar Kapoor, film de 1998. Ce qu'on entend, c'est la scène du couronnement. Ce couronnement, ça se passe le 15 janvier 1559. Véronique Borboin, dans quelles circonstances? On s'est quitté sur son enfance, elle est bien éduquée, de grands précepteurs, mais c'est une bâtarde et elle se retrouvera, donc là il y a une petite ellipse là, en 1559, reine du pays, dans quelles circonstances? En fait, à l'origine, Henri VIII avait fait un testament, ce qui est quand même assez rare, et il avait mis, parce qu'il aura finalement un fils avec une de ses femmes, il aura mis son jeune fils en premier, ensuite la fille de sa première femme, Marie Tudor, en second. Et Élisabeth était la vienne ensuite, mais en troisième. Au fond, elle avait quasiment aucune chance de régner. Il se trouve que ce jeune fils va mourir très jeune, 18-19 ans, et que ensuite, c'est donc la demi-sœur d'Élisabeth, Marie Tudor, qui va régner. Mais là, ça fout le bordel, si j'ose dire, parce que oubliez pas que l'Angleterre est devenue anglicane, avait éliminé le catholicisme en Angleterre, et puis Marie Tudor, sa mère était une catholique forcenée. Donc elle rétablit le tout. Et puis, elle fait évidemment des persécutions inverses. Et c'est vraiment pas une femme d'État du tout. C'est une catastrophe, en fait, le règne, grosso modo, de Marie Tudor. Et entre autres, elle est tellement violente et tellement intégriste au point de vue religieux qu'elle fait brûler des gens par centaines. Et on va l'appeler la fameuse Bloody Mary, donc Marie la sanglante. Et quand elle meurt, les Anglais ont même appelé ce fameux mercredi, je crois que c'est un 17 novembre en 58, ils vont l'appeler Hope Wednesday. C'est pour dire que c'est une fête qui dure longtemps. Oui, le mercredi de l'espoir, oui. Et donc, elle, tout d'un coup, elle devient reine. Elle est encore relativement jeune, mais elle veut être sûre. Hein. Lui, vous me donnez sa bague, hein, parce que moi, j'y crois pas. Là, j'ai pas envie d'un Xème complot. Donc, on est en 58, mais en 1559, en janvier, elle va être couronnée reine, et puis elle va dire ouf. Mais elle a aussi dit juste avant que se trouver à côté du trône était un endroit très glissant. Ouais. Consciente de ce danger, elle a un parcours vraiment. Bon, sa mère que le roi assassine, bâtarde, elle sera en prison, mise en prison par Marie Tudor avant d'être succédée à elle Marie Tudor. Elle va être à la Tour de Londres même, en croyant sa dernière heure arrivée. Ouais. Et puis donc, elle accède au trône, elle ne se mariera pas. Pourquoi? Eh bien, les historiens se battent encore, hein, on ne connaît pas le tréfonds, mais... Aujourd'hui, on pense qu'elle n'avait pas du tout l'intention de se marier. D'abord, une femme qui a le pouvoir, c'était possible en Angleterre, c'était pas possible en France, mais c'était possible en Angleterre, oui. Mais elle savait très bien que si elle avait un mari, il deviendrait un homme de pouvoir et qu'elle perdrait une partie de son pouvoir. Et au fond, c'est une femme de pouvoir, elle est bien comme son père, elle est bien comme Henri VIII, et elle veut le garder pour elle. Donc elle dit tout le temps... Parce qu'en fait, le Parlement l'oblige à se marier. Il lui dit, mais enfin, c'est évident, c'est impensable, une femme et une reine qui refuse de se marier. Donc, elle va être extrêmement habile. Elle va toujours dire oui, Mais non. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'elle va accepter les cadeaux. Parce qu'il y aura des prétendants. Ah, il y en a partout, de Suède, de France, de tous les royaumes mm-hmm. veulent avoir sa main. Donc, elle va tout le temps accepter les cadeaux. Si elle aimait beaucoup les cadeaux, elle aimait beaucoup être courtisée. Elle acceptait les bijoux. Puis elle dit, j'y ai bien repensé, ce sera non pour celui-là. Mm-hmm. Alors, elle va comme, c'est parce que c'est le Parlement qui est fort et qui est derrière elle et qui l'oblige. Et chaque fois, le Parlement se fait avoir parce qu'elle dit oui, mais non. Mmh. Faut dire aussi que le peuple anglais ne voulait pas d'un étranger. Le peuple anglais était assez retiré, assez xénophobe à ce niveau-là, alors que c'est pourtant la coutume. Et elle a bien compris que si elle voulait garder le cœur de son peuple, fallait pas qu'elle épouse un étranger. Véronique, ce surnom de la Reine Vierge. Ah bon, eh ben, comme disait le roi de France Henri IV, elle est aussi vierge que moi, je suis catholique. Comme tout le monde sait, il était protestant. Donc, c'est plus une image, probablement. Parce que nous savons qu'elle avait beaucoup de favoris, comme on les appelle à l'époque, donc des courtisans, ouais. qui font semblant de l'aimer ou qui l'aiment véritablement. Elle était quand même encore jeune au début. Et qui lui donnent, qui la couvrent de cadeaux, qui lui font des poèmes en lui disant que c'est la plus belle femme du monde, etc. Donc, elle adorait être courtisée, mais elle en a probablement eu beaucoup plus près d'elle, ouais. comme le fameux Robert Dudley, le comte de Leicester. Et on sait tout simplement par les écrits de l'époque qu'il allait dans sa chambre jour et nuit. Pas alors, pour faire du tricot. Non, ni jouer aux échecs, je crois pas. Je pense pas. Bon. Donc, elle a eu une vie quand même, mais c'est l'idée de je me sacrifie pour mon peuple, je oui. sacrifie ma vie de femme. Mais ça, elle le jouera d'ailleurs. Elle va jouer cette carte. Oui, oui, c'est très intéressant. Même avant de devenir reine, elle dit j'aimerais bien qu'on écrive sur ma tombe que j'étais une femme vierge. Ça l'obsédait. Et puis, ça permet beaucoup de symbolisme aussi, voilà, de sacrifice. Et quel genre de reine sera-t-elle? Élisabeth Ière aux affaires, qu'est-ce que ça donne? En fait, elle est excellente. Oublions pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'elle est polyglotte. Donc, elle n'a pas besoin, quand il y a des ambassadeurs chez elle, elle peut discuter directement dans la langue du pays, sans problème, en espagnol, en italien, et puis, ou le latin, qui est la langue un peu. Et elle est très colérique, d'ailleurs. Elle ne se laisse pas faire. Il y a même un jour un ministre qui dit une bêtise, et elle enlève sa pantoufle et lui lance à la figure. On aime bien, elle avait quelque chose d'effectivement très... beaucoup de caractère, ouais. on dirait aujourd'hui. Et puis, bien sûr, le théâtre, la culture, qui vraiment connaîtront de beaux jours sous Élisabeth Ière, parce que cette Angleterre d'Élisabeth Ière, c'est celle de Shakespeare, c'est celle du théâtre oui. élisabétain. Arrest! Who? Mr. Tilney! Everyone! That woman is a woman! In the name of Her Majesty Queen Elizabeth! Mr. Tilney! Have a care with my name, you will wear it out. Un extrait du film Shakespeare in Love, Shakespeare et Juliette en français, du réalisateur John Madden. Dans cet extrait-là, la reine Élisabeth qui vient à la rescousse de Shakespeare, qui faisait jouer une femme dans sa pièce, ce qui est interdit à l'époque, Véronique Bourboin. Évidemment, on est en pleine fiction, mais ce qui est, dans ce qu'on vient d'entendre, mais ce qui est vrai, c'est que, bon, les femmes ne pouvaient pas jouer à cette époque-là. Ce qui est vrai aussi, c'est que Élisabeth aime le théâtre. Ben, elle adore le théâtre. C'est une femme de la Renaissance, un peu comme son père, donc elle adore toutes les arts en général. Donc la musique, elle était une excellente danseuse, elle jouait du virginal, elle chantait merveilleusement bien. Donc, et le théâtre, ben, elle adorait le théâtre. Heureusement pour nous, parce qu'autrement, il n'aurait pas été aussi important. Et c'est une époque particulière où tout le monde a la possibilité d'aller au théâtre, et il va au théâtre. Toutes les classes sociales, c'est quand même très très rare. Donc dans un théâtre, vous pouvez avoir les lords, les comtes, la reine, et puis en bas, vous aviez le tout venant, les marchands, les ouvriers qui étaient debout, évidemment, en bas dans le théâtre. Mais à l'origine, c'est une époque importante parce que avant l'époque où on construit des théâtres, parce que c'est à l'époque élisabéthaine qu'on commence à construire des vrais théâtres en dur, des théâtres permanents, eh ben, les gens de théâtre étaient des ambulants, en fait. Ils passaient en roulotte de village en village et ils gagnaient pas grand chose. étaient plutôt des miséreux. Avec un peu de chance, ils allaient dans un château, puis on leur donnait le gîte et le couvert, une petite bourse. Mais autrement, s'ils n'étaient pas sous la protection d'un lord, c'était vraiment très dur. Et ils ont eu l'idée de rentrer dans les cours d'auberge, en se disant que c'était plus facile de ramasser un peu d'argent. Parce qu'imaginez une cour intérieure d'une auberge, il y a une porte, voilà, elle est fermée. Donc les spectateurs y rentrent, sont un peu obligés de payer, ils ne peuvent pas partir comme ça. Et c'est sur le modèle de ces cours d'auberge que le fameux théâtre élisabétain, comme on le connaît aujourd'hui, donc un peu en rond ou hexagonal, avec la scène au centre et le ciel au-dessus, et puis les galeries avec le public tout autour. C'est à ce moment-là que ça s'est bâti sur le modèle des fameuses cours d'auberge. Oui. Donc, une reine importante pour le théâtre, pour le développement du théâtre, pour l'amour du théâtre. Absolument. Son image, ça, il y aurait un chapitre complet à écrire là-dessus. On a quelques minutes pour la fin, mais l'image d'Élisabeth, la reine va soigner son image en utilisant presque de manière propagandiste. Oh, totalement. En fait, elle est très consciente que quand même, sa position est difficile. Elle est considérée par une bâtarde, par une partie de la population. Il y a une partie de la population qui est restée catholique, une autre partie protestante. Donc, il y a toujours des complots contre elle. Et au fond, elle s'est dit, je vais montrer mon pouvoir, mais je ne suis qu'une faible femme. Alors, elle fait faire des portraits d'elle et elle les fait copier aussi et distribuer partout. C'était la propagande de l'époque. Mais elle s'arrange aussi pour que ses portraits montrent le pouvoir. Comment est-ce qu'on monte le pouvoir à l'époque? Aujourd'hui, c'est facile, avec une grosse voiture, une belle Rolex, et puis voilà. Mais à l'époque, c'était le vêtement, le costume. Ouais. Donc, elle se fait montrer dans des vêtements complètement, de plus en plus extravagants, d'ailleurs. Elle ressemble à une idole parée de, quasiment un arbre de Noël, tellement elle a des bijoux. Elle est couverte de bijoux. Elle a des colliers énormes. D'ailleurs, certains conseillers se demandaient comment elle réussissait à marcher en étant si lourdement couverte de bijoux. Et elle aussi, dans ses tableaux, elle ajoute des petits, de la symbolique au fond, pour montrer son pouvoir. Alors elle se montrait en train de tenir une couronne d'olivier pour dire « je suis pour la paix », ce qui était vrai, c'était pas une combattante, je suis pour la paix, mais en bas il y avait une épée, une grande épée, ouais. Genre « oui, oui, mais la justice, attention ». Elle montrait aussi, elle a une robe où on voit des oreilles et des bouches, et puis des yeux peints sur une robe. C'est quand même assez fou, c'est sur ce tableau-là. Et puis ce qu'elle veut dire, c'est « je vous vois, j'entends tout ouais. ». Et prenez puis garde. J'ai mes espions, prenez garde. On ne peut pas faire une émission sur Élisabeth Ière sans parler de sa grande rivale, Marie Stuart. La fameuse Marie Stuart. Alors Marie Stuart, en fait, c'est sa cousine. Son histoire, oui, c'est directement sa cousine. Son histoire est un peu compliquée. Elle est issue, elle vient d'Écosse, mais sa mère était française. Elle a été fiancée et elle a épousé le tout petit roi de France, François II, qui est un petit gringalet qui, un an après, va mourir. Donc, elle était reine de France très peu de temps, mais elle s'est toujours considérée comme reine de France, d'Écosse et d'Angleterre, pour des raisons dynastiques qui sont trop compliquées à expliquer. Et en fait, c'est une femme dont on a beaucoup parlé, parce que c'est une héroïne, parce que sa vie est tragique. Mais en fait, elle manquait pas mal de cervelle. En tout cas, ses sentiments passaient bien avant la raison d'État. Elle va, après la mort de son petit roi Athelet français, elle va retourner en Écosse. Elle va y mettre le bordel encore une fois. Elle va épouser un homme qui n'était pas fait pour elle, qui était violent. Elle va le faire assassiner. Ça commence un peu mal son truc. Mais elle a un fils avec lui, mais elle va quand même le faire assassiner. Elle va s'enfuir avec un autre. Finalement, elle va demander à Élisabeth, pouvez-vous me recevoir en Angleterre? Élisabeth, oui, oui, oui, mais vous restez dans le Nord. Elle va rester quelque chose comme 19 ans dans une résidence surveillée, on dirait aujourd'hui, disons dans un château en prison. Mais elle va jamais cessé de comploter contre Élisabeth. Donc c'est un vrai problème et c'est assez étonnant qu'Élisabeth ait attendu 19 ans pour finalement accepter devant des preuves écrites que l'autre en voulait à sa vie, de la condamner, de lui faire un vrai procès. Elle a eu le droit à un vrai procès et elle lui fera couper la tête. Et puis alors toujours, évidemment, c'est toujours « Oh la pauvre Marie Stuart !» Elle était quand même un peu bête aussi. Ouais. Hein. Puis on l'a évoqué il y a quelques minutes, mais toujours aussi, Marie Stuart, c'est dans cette relation, dans cette révélation, réalité cette question des religions là. Ah ben oui, parce que Marie Stuart est catholique. Ouais. Ça va accompagner tout le règne. Est moderne, Élisabeth, sur la question de la religion, mais quand même, elle va être aux prises avec cette elle question de la religion. Elle va être aux prises parce que forcément, tout le parti catholique, c'est pas parce que Henri VIII a décidé du jour au lendemain qu'on devenait anglican que voilà. Donc c'est normal. Et elle joue avec ça aussi, Marie Stuart. Moi, je représente la justice, la vraie religion. Et alors que les anglicans disent, c'est nous la vraie religion. Donc, il y a toujours eu cet antagonisme, et ce qui fait qu'aussi des gens comme des royaumes comme l'Espagne, qui sont profondément catholiques, on dirait intégristes aujourd'hui, le roi d'Espagne Philippe II, ne va jamais accepter, par exemple, qu'on ait coupé la tête à Marie Stuart, parce que c'était son pion catholique là-bas dans le nord. Et tant et si bien que cette fameuse décision de décapiter Marie Stuart va valoir à Élisabeth et à l'Angleterre une guerre avec Philippe II d'Espagne. Puis, elle va gagner cette guerre contre toute attente. Oui. En fait, c'est un prétexte, la mort de Marie Stuart, que Philippe prend. Ça fait longtemps que Philippe II, roi d'Espagne, veut attaquer l'Angleterre pour qu'elle redevienne normale, c'est-à-dire pour lui catholique. Donc, il part avec 130 vaisseaux, 20 000 hommes et toute la noblesse quasiment espagnole. Ils sont persuadés qu'ils vont faire un petit pique-nique en Angleterre et puis que ça va être vite vaincu. Ils sont les plus puissants, c'est le royaume le plus puissant, l'Espagne. Donc, ils sont persuadés que ça va se passer très très bien. Mais en fait, entre-temps, l'Angleterre n'était pas folle. Ils avaient construit des bateaux. Et ils avaient aussi aidé de nombreux marins, c'est souvent des simples pirates, qui vont devenir des corsaires, qui vont travailler pour Élisabeth. Donc, cette grande flotte qu'on appelle l'Armada, l'invincible Armada, ça veut dire qu'on ne pouvait pas la détruire parce qu'ils étaient les plus forts, eh bien, ils vont être détruits par la toute petite armée, avec les petits bateaux d'Angleterre, mais très, très bien organisés. Au fond, c'est une guerre beaucoup plus moderne. Eux, ils arrivent avec leurs grands bateaux, ils n'arrivent pas à tourner et tout. Il faut dire que la météo va les aider. Il y aura une petite tempête, ils vont perdre une partie. Mais en fait, ils vont gagner et Élisabeth va aller sur le champ de bataille. Jusque-là, en robe blanche, avec une armure, et en disant « je suis une faible femme, mais j'ai un cœur et surtout un estomac d'homme et de roi ». Pourquoi l'estomac? L'estomac, c'est là où on pensait que le courage se tenait chez les hommes. Et ce jour-là, le gros collier reste à la maison. Oui, absolument. Elle meurt à 70 ans, sans héritier. Et là, vraiment, il y a un pied de nez à l'histoire. C'est assez extraordinaire. Qui va lui succéder? Eh bien, elle veut pas nommer d'héritier. Alors, c'est un peu compliqué. Là, c'est conseiller qui essaye. Mais en fait, elle se résout. Elle voit bien que la seule personne qui pourrait directement devenir héritier, c'est le fils de Marie Stuart. Donc, elle a coupé la tête à sa mère. Mais bon, alors lui, il accepte et il a été élevé dans la religion presbytérienne, mais protestante. Alors, c'est beaucoup plus près de l'Angleterre. Et ce serait, comme il est roi d'Écosse, ce serait une première, unir enfin l'Écosse à l'Angleterre. Donc, c'est le fameux Jacques VI d'Écosse qui va devenir James Ier d'Angleterre. C'est un peu compliqué, mais... qui va unir pour la première fois l'Écosse et l'Angleterre. Véronique Borbouin, professeure à l'École supérieure de théâtre à l'Université du Québec à Montréal, passionnée d'Élisabeth Ier. Merci d'avoir accepté de nous transmettre votre passion. Plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.